des instants difficiles. Devant une feuille blanche, une tête vide, se demander parfois où l'on est. Regarder autour et voir des têtes basses, des sourcils froncés, les yeux pleins d'angoisse. Se laisser dominer par une science inexacte. Mais je veux plus m'entêter, je veux simplement rêver. Partir sur une scène et là, tout donner. Et laissez-moi passer. Décevoir, c'est ce que je fais de mieux. Je ne donne rien, je prends ce que je veux. C'est ma vie, des décisions pas prises. Cherchant à m'humilier pour réagir, mais d'amour propre ça devenait critique. Je ne bougeais même plus face à des trois. Qui restait de moi. Mais je veux plus m'entêter, je veux simplement rêver. De partir sur une scène et là, tout donner. Et laissez-moi passer. See you.